Deuxième partie, chapitre 20 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 20, de la fréquente communion. Vous savez ce qu'on dit de Mithridate, roi de Ponte en Asie. Il avait inventé une sorte de nourriture qui s'était rendue propre pour se préserver du poison. Et il se fit un tempérament si fort qu'étant sur le point d'être pris par les Romains et voulant éviter la captivité, il ne put jamais s'empoisonner. N'est-ce pas ce que le Sauveur a fait d'une manière très réelle dans le très auguste sacrement de l'Eucharistie où il nous donne son corps et son sang comme une nourriture à laquelle l'immortalité est attachée? C'est pourquoi quiconque en use souvent avec dévotion en reçoit tant de force et de vigueur, qu'il est presque impossible que le poison mortel des mauvaises affections fasse aucune impression sur son âme. Non, l'on ne peut vivre de cette chair de vie et mourir de la mort du péché. Si les hommes se fussent préservés de la mort corporelle par l'usage du fruit de l'arbre de vie que le Créateur avait mis dans le paradis terrestre, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas maintenant se préserver de la mort spirituelle par la vertu de ce sacrement de vie? En vérité, s'il se peut faire qu'un peu de miel ou de sucre conserve les fruits les plus tendres et les plus juteux à se corrompre, comme les cerises, les fraises, les abricots, il ne faut pas s'étonner que nos âmes, quelque faibles qu'elles soient, se préservent de la corruption du péché quand elles ont été pénétrées de la force et de la suavité du sang incorruptible de Jésus-Christ. Ô Philothée, les chrétiens qui se damnent n'auront rien à répondre au juste juge quand il leur fera voir que sans aucune raison ils se sont laissés mourir spirituellement, eux qui pouvaient si facilement se conserver la vie en se nourrissant de son corps. « Misérables, leur dira-t-il, pourquoi êtes-vous morts, ayant entre les mains le fruit de la vie? Communier tous les jours, c'est un usage que je ne loue ni ne blâme, mais communier tous les dimanches, c'est une pratique que je conseille à tous les fidèles, et je les y exhorte, pourvu qu'ils ne conservent en eux aucune volonté de péché. Ce sont les propres paroles de saint Augustin, dont je prends ici le sentiment pour ne louer ni blâmer la communion quotidienne, sur laquelle je renvoie les fidèles à la décision de leur directeur. Car elle demande une si grande excellence de disposition que l'on ne peut pas la conseiller généralement à tous. Mais aussi, parce que cette excellence de disposition peut se trouver en plusieurs bonnes âmes, l'on ne peut pas non plus la défendre généralement à tous. C'est une affaire que le confesseur doit régler sur l'état habituel et actuel du pénitent. Comme ce serait donc une imprudence de conseiller indifféremment à toutes sortes de personnes cet usage si fréquent de la communion, s'en serait très véritablement une autre de blâmer dans une personne à qui le sage directeur l'aurait conseillé. C'est pourquoi j'approuve fort la judicieuse et douce réponse que sainte Catherine de Sienne fit à celui qui, n'approuvant pas qu'elle communie à tous les jours, lui dit que saint Augustin ne louait ni ne blâmait cet usage. « Eh bien, lui dit-elle agréablement, puisque saint Augustin ne le blâme pas, je vous prie de ne le pas blâmer non plus, et je me contenterai de votre silence. » Mais, Philothée, vous voyez que saint Augustin porte fortement les fidèles par les conseils et par ses exhortations à communier tous les dimanches. Faites-le donc autant que vous le pourrez, puisqu'ayant purifié votre cœur, comme je le propose, de toutes sortes d'affections au péché mortel et au péché véniel, votre âme y est encore mieux disposée que ne demande saint Augustin. Parce que non seulement vous n'avez pas la volonté de pécher, mais vous n'avez pas même aucune affection au péché. Si bien que vous pourriez avec utilité communier plus souvent que tous les dimanches, si votre père spirituel vous le permettait. Je sais bien qu'il s'y pourrait trouver plusieurs empêchements légitimes, qui viendraient d'ailleurs que de votre fond, comme de la société des personnes avec qui vous vivez. Car si quelque dépendance vous oblige à leur obéir ou à les respecter, et qu'ils sachent si peu leur religion ou soient d'une humeur si bizarre qu'ils se fassent une inquiétude et un embarras de vous voir communier tous les dimanches, vraisemblablement, il sera bon, toute chose bien considérée, de condescendre à leur infirmité et de ne communier que tous les 15 jours, à moins que vous ne puissiez vaincre cet obstacle. Mais bien que l'impossibilité de faire une règle générale sur ceci nous oblige d'en renvoyer la détermination au confesseur, je puis dire avec vérité que pour les personnes qui veulent mener une vie dévote, les communions ne doivent jamais être plus éloignées que d'un mois. Si vous savez vous conduire avec prudence, il n'y aura ni mère, ni femme, ni père, ni mari qui vous dispute l'usage de la fréquente communion. Car, puisque votre communion ne vous fera rien retrancher des devoirs de votre état, et que même ce jour-là vous en aurez plus de douceur et de complaisance pour les autres, il n'y a pas d'apparence qu'ils veuillent vous détourner d'un exercice dont ils ne doivent souffrir aucune incommodité, si ce n'est qu'ils fussent d'une humeur extrêmement fâcheuse et d'un esprit tout à fait déraisonnable, et en ce cas-là, vous userez de la règle de condescendance que je viens de vous donner, si c'est le conseil de votre directeur. À l'égard des personnes engagées dans le mariage, il suffit de leur dire que dans l'ancienne loi, c'était une chose désagréable à Dieu que les créanciers exigeassent les jours de fête le paiement de ce qu'on leur devait, quoique ce ne fût pas déplaire à Dieu que d'y payer ses dettes si on les exigeait. Ainsi, dans l'état du mariage, exiger les droits de ce sacrement le jour de sa communion, c'est manquer à une sainte bienséance de religion, quoique ce ne soit pas péché grièvement. Mais en rendre ce jour-là les devoirs, si on les exige, c'est se conformer à sa religion. Il est donc vrai que cette suggestion du mariage ne peut raisonnablement faire interdire la communion à personne si sa dévotion est animée d'un grand désir d'y participer. Certes, les chrétiens de la primitive Église communiaient tous les jours, quoiqu'ils fussent mariés et qu'ils usassent de la licence du mariage. C'est pourquoi j'ai dit que la fréquente communion ne peut être en aucune façon incommode, ni à un père, ni à une femme, ni à un mari, pourvu que la personne qui communie soit discrète et prudente. Pour ce qui est des maladies corporelles, il n'y en a aucune qui soit un légitime empêchement de communier, sinon celle qui provoquerait un fréquent vomissement. Voici donc les règles que je puis vous donner sur la fréquente communion. Pour communier tous les 8 jours, il ne faut avoir aucun péché mortel, ni aucune affection au péché, même vénielle, et avoir de plus un grand désir de la communion. Mais pour communier tous les jours, il faut encore avoir purifié son âme de presque toutes les mauvaises inclinations, et ne le faire même que par le conseil de son père spirituel. Fin du chapitre 20, deuxième partie.